Pour trouver l'amour, maintenant c'est le Graal. Pour trouver l'amour, maintenant c'est le Graal. Un peu de rouge drama sur tes lèvres. On n'est pas obligé d'être amoureux pour s'aimer. Le mariage c'est pour faire plaisir à la daronne. Le mariage c'est pour faire plaisir à la daronne. Le mariage c'est pour faire plaisir à la daronne. Mais je te demanderai quand même si tu veux m'épouser. Le temps répare, mais regarde autour de nous comment les gens séparent. Faut que je change de monde, que je change de monde. Regarde autour de nous comment les gens se trompent. J'ai besoin d'un amour rationnel. J'ai besoin d'apprendre à faire confiance à la race humaine. J'ai besoin d'avoir la certitude que c'est moi le problème. J'ai besoin d'avoir la certitude que c'est toi le remède. Je lui parle de moi, elle parle de nous. De nous, de nous. Elle est amoureuse de l'amour. L'amour, l'amour. Mais pour trouver l'amour, maintenant c'est le Graal. Pour trouver l'amour, maintenant c'est le Graal. Un peu de rouge drama sur tes lèvres. On n'est pas obligé d'être amoureux pour s'aimer. Le mariage c'est pour faire plaisir à la daronne. Le mariage c'est pour faire plaisir à la daronne. Le mariage c'est pour faire plaisir à la daronne. Mais je te demanderai quand même si tu veux m'épouser. Dans toutes les rues du 11e on a erré. Même si on ne se marie pas on sera heureux. Tu sais que je suis plutôt du genre à me lasser. Tu sais que je suis plutôt pas du genre à me paxer. Les gens qui restent ensemble toute la vie, avant d'être amoureux ils sont amis. On essaiera d'en faire un toute la nuit. Mais on reste des enfants tant que nos parents sont en vie. Je lui parle de moi, elle parle de nous. De nous, de nous. Elle est amoureuse de l'amour. L'amour, l'amour. Mais pour trouver l'amour, maintenant c'est le Graal. Pour trouver l'amour, maintenant c'est le Graal. Un peu de rouge drama sur tes lèvres. On n'est pas obligé d'être amoureux pour s'aimer. Le mariage c'est pour faire plaisir à la daronne. Le mariage c'est pour faire plaisir à la daronne. Le mariage c'est pour faire plaisir à la daronne. Mais je te demanderai quand même si tu veux m'épouser. On peut quand même aller chez Cartier. On peut quand même aller chez Van Cleef. On peut quand même aller chez Piaget. On peut quand même aller chez Tiffany.